محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف الدروس في شرح منظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى البيت 15 الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفير فهو موقوف زكين. Donc nous continuons l'explication du poème la Bayqouniya et nous sommes arrivés au vers 15 où l'auteur rahimahullah il dit: وما أضفته إلى الأصحاب, c'est-à-dire tout ce que tu lis aux compagnons comme parole ou acte, fahuwa mawqufun zukin. Donc on appelle ça mawquf zukin, c'est-à-dire yani ulim, comme cela est connu. Wa marra ma'ana an dhakara al-mu'allif rahimahullah يعني نوعين من أنواع الحديث قريبين من هذا، فذكر المرفوع وذكر المقطوع، ولهذا كان أولى بالناظم أن يذكر الموقوف مع المرفوع والمقطوع لقرب يعني بعضها ببعض، لأنها أنواع الحديث متعلقة بالقائل. فالمرفوع وما أضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والمقطوع ما أضف إلى التابعي فمن بعده من قول أو فعل. Donc on avait vu précédemment deux sortes de hadith qui sont proches de cela. On avait vu المرفوع et on avait vu المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع. Donc tout ce que l'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle al-marfou, et ce que l'on attribue aux tabi'in et ceux qui sont après, ce que l'on appelle al-maqtou. Donc il aurait été mieux pour l'auteur rahimahullah de citer al-mawquf à ce moment-là, car donc c'est lié, c'est des sortes de hadith liés à la personne qui parle. Donc si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est marfou, si c'est un compagnon c'est mawquf, et si c'est un tabi'i et ceux qui viennent après, c'est à ce moment-là maqtou'. Idhan wama udifa wama adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Fi al-marfou' ذكرنا أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهنا لم نذكر التقرير. التقرير بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc en ce qui concerne le hadith مرفوع, on avait cité donc toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, c'est-à-dire une chose qui a eu lieu en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé cela. Les gens ils disent cela a le même statut que l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une chose blâmable devant lui et ne la blâme pas. بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم لا نقول تقرير. En ce qui concerne les compagnons رضي الله عنهم, on ne va pas dire que, on ne va pas attribuer une chose qu'il n'a pas blâmée comme un acte ou une parole. لأن الصحابي يعني يمكن أن لا يرى هذا الفعل منكرا أو الصحابي يمكن أن لا ينكر على ذا الفعل، لأنه قد يترتب على إنكاره إنكار أعظم، أو لم يبلغه الحديث، إلى غير ذلك من الأشياء. Donc en ce qui concerne les compagnons, on ne fait pas rentrer le fait qu'ils ne blâment pas quelque chose, car les compagnons, il se peut que pour lui, tel acte n'est pas haram, ou bien n'est pas blâmable, mais blâmable pour un autre. Il se peut également que le compagnon ne fasse pas cela, ou ne blâme pas, car il se peut qu'il se dise que quelqu'un l'a déjà fait à ma place. Il se peut également qu'il ne blâme pas, car il se dit que si je blâme, peut-être qu'une chose pire encore va arriver. Donc on ne peut pas leur attribuer comme parole ou acte les choses qu'ils ont approuvées et non pas blâmées. Contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala yajouz fi haqqi nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est interdit donc de repousser repousser l'enseignement plus tard qu'au moment où on a besoin de cela. إذن يقول وما أضفته إلى الأصحاب من الأصحاب جمع صاحب وصاحب يعني الصحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني عند اللقاء به ومات على ذلك. Donc, al-ashab, c'est le pluriel de al-sahabi. Et al-sahabi, donc, c'est le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui, donc, décrit-on comme étant un compagnon, c'est toute personne qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en croyant en lui, et est mort ainsi. C'est-à-dire qu'il est mort croyant. فقلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلتقي به ليس من الصحابة فمن يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به فليس من الصحابة فمثلا النجاشي ملك الحبشة يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه عندما مات يعني صلى عليه صلاة الغائب ولكن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس من تعداد الصحابة رضي الله عنهم. Par exemple, Najashi, le roi d'Abyssinie, donc il a embrassé l'islam, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prouve qu'il est musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on prie sur lui lorsqu'il est mort. Mais il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne fait pas partie des compagnons radiyallahu anhum. Fa kullu man laqiya min nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi. Yani man amana bi nabiyyin akhar, mathalan bi Isa aw bi Musa, laysa min as-sahaba. Wa mata ala dhalik annahu qad yakunu laqiya nabiy sallallahu alayhi wa sallam amana bihi walakin yani irtadda an al-islam wa mata kafiran, fa hadha kadhalika laysa min as-sahaba. Donc on a dit mu'minan bihi, c'est-à-dire croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas croyant en un autre prophète. Et matin à la dalek, également, il est mort de cette manière. C'est par exemple la personne rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croit en lui, mais renie l'islam peu de temps après et meurt mécréante. Il ne fait pas partie des compagnons. Donc il faut absolument que toutes ces conditions soient présentes. Man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dalek. Wa للصحابة رضي الله عنهم يعني فضل على غيرهم من الناس يعني حتى أن أقل الصحابة يعني رتبة هو أفضل من أعلى التابعين وهذا بالإجماع. Donc les compagnons رضي الله عنهم ils ont un statut que personne ne peut atteindre. Même le plus bas des compagnons en degré est meilleur que le meilleur des tabi'in. Donc ça, c'est une spécialité, une spécificité des compagnons, radiyallahu anhum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La tasubbu ashabi ». لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لخالد بن الوليد, لخالد بن الوليد رضي الله عنه, سب عبد الرحمن بن عوف, سب عبد الرحمن بن عوف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي, يعني فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ثم يعني ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لأن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين, وخالد بن الوليد قد تأخر إسلامه إلى غزوة خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن خالد بن الوليد أني لا تصب, يعني عبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقين الأولين, فلو أنك خالد بن الوليد أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدة يعني أحدهم من الصحابة ولا نصفه, فما بل بغيرهم, بغير خالد بن الوليد ومن جاء بعده من التابعين والتابعين إلى زمننا هذا. دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم دي ننسلتي با مي كومبانيون, ننسلتي با مي كومبانيون, car si l'un d'entre vous dépensait toute la montagne de Uhud en or, il n'atteindrait pas ni mudda ahadihim, il n'atteindrait pas la récompense qu'aurait un des compagnons en dépensant un mud. C'est-à-dire si un des compagnons il dépense un mud ou bien la moitié d'un mud, si tu dépenses tout Uhud en or, tu n'atteindras pas cette récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela à Khalid ibn al-Walid. Donc Khalid ibn al-Walid, un jour, il a insulté Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhuma. Et donc Abdurrahman ibn Auf fait partie des premiers compagnons qui ont embrassé l'islam à la Mecque. Et Khalid ibn al-Walid, donc son islam, il a pris du temps avant de rentrer dans l'islam. Il est rentré dans l'islam à Khaybar, ou bien après l'Hudaybiyah. Donc lorsqu'il a insulté Abdurrahman ibn Auf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de ne pas l'insulter, du fait qu'il est musulman depuis très très longtemps. Et il lui a dit, si l'un d'entre vous, c'est-à-dire qui est à ton niveau, dépense tout Uhud en or, il n'atteindra pas le mud, ou bien la moitié d'un mud des premiers compagnons. Donc que penser alors de ceux qui sont venus après, comme Tabi'in, Atba'a Tabi'in, jusqu'à notre époque. Donc si c'est ça la différence entre certains compagnons, entre eux, entre Khalid ibn Walid et Abdurrahman ibn Auf, que penser alors de ceux qui sont venus après? Les sahaba, لماذا لهم هذا الفضل؟ أولا هو فضل الله يؤتيه من يشاء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. Donc premièrement, pourquoi les compagnons sont au-dessus des autres générations? Premièrement, ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Il y en a qui vont dire, il y en a qui ont propagé la science, il y en a qui ont combattu fi sabilillah, pourquoi les compagnons seraient au-dessus? Donc Allah il choisit certains endroits et il les élève au-dessus d'autres, il choisit certaines périodes et il les élève au-dessus d'autres. Et ça, on ne peut pas demander d'explication. Allah dit la yus'alu an ma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc s'il a décidé de mettre au-dessus des autres les prophètes et après les prophètes leurs compagnons, ce n'est pas à nous d'essayer de savoir pourquoi ils sont au-dessus des autres. L'amr thani annahum نصروا الإسلام في بداية الأمر, نصروا الإسلام في بداية الأمر, يعني عندما كان العمل يعني شديدا وكان العمل صعيبا أو صعبا. فالإنسان إذا نصر شيئا عند ابتدائه يكون أجره أعظم. Donc les compagnons رضي الله عنهم, ils ont secouru l'islam au début, au moment où personne ne voulait entendre parler de l'islam, au moment où on n'avait pas le droit de dire on est musulman, on n'avait pas le droit de dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et à partir du moment où toi tu secours une cause, au départ, ta récompense sera forcément meilleure que ceux qui la secourent plus tard. إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. ومن الفقهاء من يسمي هذا النوع من الحديث الآثار، من العلماء من يسمي هذا النوع من الحديث الآثار. Donc le موقوف c'est ce que l'on attribue au compagnon رضي الله عنه. Et certains parmi les fuqaha ils nomment ce type de texte al-athar. Les ulama al-Shafi'iyya ils appellent cela al-athar. Et lorsque vous voyez al-athar, il parle du موقوف. مثلا البياقي رحمه الله كتابه السنن الكبرى اسمه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، فيقصد بالسنن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالآثار الأحاديث الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. Donc par exemple l'imam al-Bayhaqi il a son livre qui s'appelle Ma'rifatu Sunani wal Athar qui est Sunan al-Kubra. Donc il a fait la différence entre Sunan et l'Athar. Et Sunan pour lui donc c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'Athar c'est les textes des compagnons radiyallahu anhum. Wa min al-ulama man yutliq al-Athar 'an al-marfu'i wal-mawquf kama fa'alahu at-Tahawi rahimahullah fi kitabih مشكل الآثار، مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، الآثار على المرفوع والموقوف. Mais donc la majorité des savants, الآثار rentre dans tous rentre dans cela المرفوع والموقوف. المرفوع والموقوف. Comme l'imam al-Tahawi il a un livre qui s'appelle il a deux livres, un qui s'appelle مشكل الآثار. Donc dans cela il y a المرفوع والموقوف. Et il a un autre livre qui s'appelle Sharh Ma'ani al-Athar. Et كذلك الخبر. الخبر. لا لا لا. الخبر لا. الخبر عام. الخبر يشمل يعني المرفوع والموقوف والمقطوع. أما الآثار من العلماء من يعني يخصصه للموقوف. يقول في نهاية البيت زكين بمعنى علم، يعني هذا فقط لإتمام البيت، وكثير يعني ما يستخدم أصحاب النظم يعني هذه الكلمة لإتمام الأبيات. Donc à la fin il a dit زكين c'est-à-dire علم c'est-à-dire comme cela est connu. Donc c'est seulement pour finir donc le vers qu'il a utilisé cela en disant wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. ثم قال الموقوف واضح c'est clair الموقوف. ثم قال wa mursalun minhu as-sahabi yusaqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Donc ensuite, dans le 16e vers, il nous cite donc deux sortes de hadith, al-mursal et al-gharib. Yaqul wa mursalun minhu as-sahabi yusaqat. Al-mursal, c'est celui dont la chaîne de transmission ou dans la chaîne de transmission, le compagnon n'est pas cité ou bien a disparu. C'est-à-dire on a une chaîne de transmission. On a un tel, un tel, un tel, un tel. Et à un moment, on passe directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon n'est pas cité. فالمرسل عرفه الناظم بقوله ما سقط الصحابي من إسناده. Donc la définition de l'auteur, rahimahullah, c'est que le hadith al-mursal, c'est celui dans c'est celui dans laquelle la chaîne de transmission dans sa chaîne de transmission donc le compagnon du prophète n'est pas cité. Donc du tabi'i on passe directement au prophète alayhi salatu wa salam. وقد سبق الى هذا التعريف الناظمة يعني عدد من العلماء منهم ابن دقيق العيد رحمه الله صليب الاقتراح والذهبي في الموقظة. Donc certains savants ont donné la même définition que l'auteur en disant le mursel, donc c'est celui donc, où le compagnon n'est pas cité dans la chaîne de transmission. Parmi eux, Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, dans son livre Al-Iqtirah, et Al-Zahabi, dans son livre Al-Mawqidha. Wa qad i'tarada ba'du ahli al-ilmi على هذا التعريف وقالوا إذا علمنا يقينا أن الساقط في الإسناد صحابي فلا إشكال في قبول هذا الحديث لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. Donc certains savants ont critiqué cette définition en disant si on sait que celui qui n'est pas présent dans la chaîne de transmission est un compagnon, pourquoi rejeter le hadith du fait que les compagnons radiallahu anhum, ils sont tous intègres et dignes de confiance. Donc si on sait que c'est un compagnon qui n'est pas cité dans la chaîne de transmission, à ce moment-là, le hadith n'a pas à être rejeté car on sait que les compagnons, du premier jusqu'au dernier, nous acceptons leur rapport de hadith. Walihada قال بعض العلماء أن الحديث التعريف الأمثل أن يقال أن المرسل وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que certains savants ils disent que المرسل, la définition la plus juste est de dire c'est le hadith que le tabi'i attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons un tabi'i dans la chaîne de transmission et il nous dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, vous avez Saïd ibn al-Musayyib ou bien vous avez Urwat ibn al-Zubayr ou bien vous avez Salim ibn Abdullah ibn Omar, il vous dit directement qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes ils n'ont jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est el mursel. طيب لماذا يعني عد العلماء المرسل من أقسام الحديث الضعيف؟ Donc pourquoi les savants ils ont dit المرسل c'est une sorte de hadith faible. Pourquoi؟ نعم الاحتمال أن هذا التابعي الذي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ من أحد الصحابة هذا احتمال وهناك احتمال آخر أن يكون قد أخذ من تابعي آخر ولا ندري شيئا عنه وهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وهذا التابعي الثاني هناك احتمال أن يكون قد أخذ كذلك عن أحد التابعين وهذا التابعي الثاني أو الثالث قد يكون أخذ عن تابع آخر. Donc pourquoi ils ont dit que c'était un hadith faible car il y a on peut supposer donc on a dans la chaîne de transmission un tabi'i. Tabi'i c'est ceux qui ont vécu à l'époque des compagnons. Il nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc forcément, il a pris cela de quelqu'un. Donc il se peut qu'il ait pris cela d'un compagnon. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais il se peut également qu'il ait pris cela d'un autre tabi'i dont on ne connaît rien. Est-ce qu'il est thiqa, fiable, ou bien est-ce qu'il est faible? Et ce deuxième tabi'i, il se peut également qu'il ait pris cela d'un troisième tabi'i, dont également on ne connaît rien. Est-ce qu'il est fiable ou est-ce qu'il est faible? Et il se peut que le troisième également ait pris un quatrième, un cinquième. L'imam al-Nasa'i, rahimahullah, dans le Sunan, il rapporte un hadith fihi riwayat ستة من التابعين بعضهم عن بعض. الحديث في فضل قراءة سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. قال بعد ذلك: هذا أطول إسناد في الحديث. دونك الإمام النسائي رحمه الله dans son livre السنن il rapporte un hadith sur les vertus de lire سورة الإخلاص en disant qu'elle équivaut au tiers du Coran. Dans la chaîne de transmission, il y a six tabi'in qui rapportent les uns aux autres. Un tabi'i qui rapporte d'un autre, jusqu'à arriver à six. Et à la fin après la fin de ce hadith, il nous dit « هذا أطول إسناد في الحديث الصحيح ». Il nous dit « c'est la plus longue isnad que j'ai trouvée ». Donc ce qui prouve qu'il se peut qu'il y ait énormément de tabi'in qui rapportent les uns des autres. Voilà pourquoi donc l'ulama, ils disent que « المرسل من أقسام الضعيف ». Donc voilà pourquoi les savants ils disent que le mursal donc est un hadith faible. ومع كونه ضعيفا فمن العلماء من احتج به وقالني يحتج بالحديث المرسل لأن التابعين يعني من تابعين من يعني سبرت روايتهم ورأوا أنهم يعني لا يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. Donc malgré le fait que le hadith mursal soit considéré comme faible, certains savants ils prennent ce hadith comme argument. Ils prennent ce hadith comme argument. منهم المالكية والحنفية. Car ils disent que certains tabi'in sont connus pour ne rapporter que de sahaba. Certains tabi'in sont connus pour ne rapporter que de sahaba. Par exemple, Saïd al-Musayyib, rahimahullah, ils ont vu que tous ces hadiths mursels, il les a pris de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc ils acceptent son hadith lorsqu'il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قال أن الحديث المرسل يعني مردود ولا يحتج به مطلقا وذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد أنه قول جماهير النقاد أنه ضعيف ولا يحتج به للجهل بالساقط في الإسناد فمن شروط الحديث الصحيح ذكرنا اتصال السند فإذا وقع الانقطاع يعني صار الحديث ضعيفا ولا يحتج به. Donc également Ibn Abd al-Barr رحمه الله dans son livre التمهيد également l'imam Muslim رحمه الله dans le muqaddima du sahih il cite que la majorité des savants n'acceptent pas le hadith al-mursal et ne le prennent pas comme argument car comme on a dit donc nous n'avons aucune connaissance de la personne qui n'est pas citée dans la chaîne de transmission. Donc nous avions cité au tout début que parmi les conditions du hadith authentique ittisal as-sanad donc que la chaîne de transmission soit liée et donc s'il y a une coupure al-inqita le hadith n'est pas accepté. ثم قال المؤلف رحمه الله وقول غريب ما روى راو فقط. هذا نوع آخر من أنواع الحديث وكان الأولى أن يذكر هذا النوع مع المشهور والعزيز يعني مر معنا في ما سبق المشهور والعزيز فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Donc on avait vu précédemment العزيز et المشهور dans le vers numéro 12 et ici il nous dit الغريب. Donc ça c'est comme on avait vu المقوف المرفوع والمقطوع Ici également, il aurait fallu qu'il mette Al-Gharib avec Al-Mashhur ou Al-Aziz. Al-Aziz, on avait dit, yani marwi thnaini aw thalatha. Donc, rapporté par deux ou trois, Al-Ra'i Al-Mu'allif, Ibn Salah, et Mashhur, marwi fouqama thalatha. Et Mashhur au-dessus de trois, donc quatre ou plus. Et on avait dit que Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, il dit Al-Aziz c'est deux, et au-dessus de deux, c'est tout de suite Mashhur. الغريب ما روى راو فقط. Donc si on a dit que l'aziz c'est 2 et le mashhur c'est au-dessus de 2, il nous reste lorsque c'est rapporté par un seul. Ça c'est ce que l'on appelle الغريب. الغريب. وقول غريب ما روى راو فقط. Donc dit غريب ce qui est rapporté par un seul narrateur. إذن الحديث الغريب وما رواه راو فقط يعني في أي طبقة من طبقات الإسناد. وإن كانت الغرابة في أصل السند يعني عند الصحابة سميت هذه الغرابة بالغرابة المطلقة بالغرابة المطلقة. فمثلا إذا وجدتم حديثا لا يرويه إلا صحابي واحد من الصحابة مثلا يعني عمر بن الخطاب لم يروي هذا الحديث إلا عمر بن الخطاب فهذا يسمى بالحديث الغريب غرابة مطلقة. فهذا الحديث مثلا عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي ويروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي علقمة ابن وقاص الليثي أو يروي عن علقمة وعلقمة يروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الإسناد للحديث الأول في صحيح البخاري. ما هو الحديث الأول في البخاري؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يروي هذا الحديث غير عمر. فإذا وجدتم هذا الحديث عن غير عمر فهو ليس بصحيح. ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص. ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر الحديث. فهذا هو الغرابة المطلقة. والمطلقة هنا يعني في عدة طبقات. في طبقات الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني لا يشاركه أحد في هذه الرواية. Donc le gharib, donc c'est lorsque le hadith est rapporté par un seul, que ce soit à n'importe quel moment de la chaîne de transmission. Donc ce hadith, c'est le hadith innamal amalu binniyat, le premier hadith dans Sahih al-Bukhari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal amalu binniyat. Ce hadith est rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il n'y a aucun compagnon à part Omar qui a rapporté ce hadith. Ensuite, Omar n'a pris ce hadith de Omar que Al-Qamatu ibn Abi Waqqas al-Layfi, n'a pris de Al-Qama que Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, et n'a pris de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi que Yahya ibn Sa'id Ansari. Ensuite, beaucoup de gens ont pris de lui ce hadith. Beaucoup de gens ont pris de lui ce hadith. Donc, c'est ce que l'on appelle Al-Gharib. Al-Gharib, donc, on a dit, il se divise en deux parties. Nous avons le gharib al-mutlaq ou le gharib al-nisbi. Le gharib al-mutlaq, c'est vraiment la personne qui est le seul à rapporter ce hadith. Et on va expliquer ensuite le hadith al-gharib al-nisbi. فالإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث غريب مطلق وختم كتابه كذلك بحديث غريب مطلق آخر حديث البخاري le dernier حديث dans le Bukhari c'est quoi الكتاب ولكن الحديث هو حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبة للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ce hadith également il est gharib. يعني يروي أبو هريرة ويروي عنه أبو زرعة ابن عمر ابن جرير البجري ويروي عنه عمارة ابن القعقاع ويروي عنه محمد ابن فضيل وعنه انتشر هو قريب من هذا فافتتح الكتاب بالغريب المطلق وختمه بالغريب المطلق. Donc le dernier hadith également est semblable à celui-ci. Le dernier hadith dans le Bukhari est semblable à celui-ci par rapport à la chaîne de transmission. Donc le dernier hadith dans le Bukhari c'est hadith Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kalimatani khafifatani ala lisan habibatan inda ar-rahman thaqilatani fil mizan. Donc deux paroles qui sont légères sur la langue, aimées du miséricordieux et lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ila al-qama. La. Wa haddatha bihi ala al-minbar. Walakin ana alladhi yasma'u Umar ani la in arada أن يحدث به ليس واجبا عليك أن تحدث به. Donc le frère il dit comment ça se fait que Omar il n'est pas propagé ce hadith. Omar dans d'autres versions il a dit cela sur le minbar. Il était sur le minbar. Ensuite ce qu'ont entendu cela de Omar, libre choix à eux de rapporter ce hadith ou pas. En tout cas dans les livres que nous avons n'a rapporté cela que Al-Qama ibn Waqqas. Et donc le hadith de Abu Huraira, le dernier hadith, est semblable à celui-ci. Hein? Voilà. Ce n'est pas une obligation de rapporter le hadith. Il suffit qu'il y en ait un qui le rapporte et cela suffit. Wa illa indana ahadith ni hajat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bittafasil. لم يرويه إلا جابر بن عبد الله. Pourtant, il y avait du monde qui était présent. طيب. Le hadith طويل où Jabir ibn Abdullah nous rapporte en détail le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a que Jabir qui a rapporté cela en détail, aussi détaillé. Pourtant, il y avait du monde avec lui au plan de pèlerinage, mais ils ne sont pas obligés tous de rapporter le hadith. Abu Huraira a rapporté plus de hadiths que des compagnons qui étaient présents pendant des années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-gharib al-nisbi. Al-gharib al-nisbi huwa an takun al-gharaba binisbati li rawin min ar-ruwah. Donc le gharib al-nisbi, donc c'est un moment où on trouve un seul narrateur. Mais il n'est pas tout seul dans la chaîne de transmission. Il est tout seul par rapport à un autre narrateur. On va citer un exemple. Mathalan, indana hadith. Yarwihi sahabiyun min as-sahaba wa yarwi anhu khamsatu رجال من التابعين مثلا أبو هريرة يروي عنه أبو سلمة القول في الحديث الغريب هو ما ذكرناه في العزيز والمشهور، فمن العزيز ما هو يعني صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف. Donc c'est la même chose que l'on a dit pour l'aziz et l'gharib. Donc il y en a certains qui sont faibles, d'autres qui sont authentiques, d'autres qui sont bons, hassan. ولكن الغرابة مظنة الخطأ. Mais ce qu'il faut savoir que il y a plus de hadiths faibles dans l'gharib, surtout le gharib al-mutlaq, que d'autres sortes de hadiths. لأن كل من فرد الإنسان كل ما كان مظنة الخطأ. Car plus la personne est isolée dans ce qu'elle rapporte, plus il y a des chances qu'elle ait fait une erreur. C'est pas comme quand tabiaï. Yani demain, Khalil vient m'apporter une information. Je la prends. Idriss me rapporte la même information. Ça prend déjà de la force. Islam ensuite. Plus le nombre de personnes sont importants pour apporter l'information, plus l'information prend de la force, jusqu'à arriver au tawatur. À ce moment-là, on ne doute plus de la véracité de l'information. Walayat al-ulama rahimahumullah ani hazzaru min al-hadith al-gharib fakanu yaqulun kama qala Abdullah ibn Mubarak ani al-ilm ma ataka min hahuna wa hahuna wa hahuna. Donc les savants, à l'époque où ils rapportaient du hadith, ils mettaient en garde contre le fait d'aller rechercher des hadiths ghariba, c'est-à-dire rapportés par un seul. Abdullah ibn Mubarak dit, la science, c'est ce qui te vient d'ici et de là et d'un peu partout. Donc plus la science donc, était rapportée par un grand nombre de personnes, plus ça prend de la force. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il disait, إياكم وهذه الغرائب فأكثرها مناكير. Il disait, prenez garde des hadiths الغريبة, car la majorité de ces hadiths sont des hadiths munkar. On va voir la définition du hadith munkar. Donc ça c'est la base. Mais cela ne veut pas dire que tous les hadiths الغريبة sont faibles. La preuve, إنما الأعمال بالنيات, la preuve, le dernier hadith dans Sahih al-Bukhari. ثم يقول وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. Donc une autre sorte de hadith, le hadith al-munqati'. Donc il nous dit toute chaîne de transmission qui n'est pas liée, tu peux l'appeler munqati'. Tu peux l'appeler munqati'. فمر معنا أن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، فإذا انقطع السند فقد شرطا من شروط الصحة وهو الاتصال، فالمنقطع نوع من الحديث نوع من أنواع الحديث الضعيف. Donc on avait vu précédemment que parmi les conditions pour que le hadith soit authentique, l'اتصال, اتصال السند. Donc le fait que la chaîne de transmission soit liée du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Et donc toute coupure donc nous fait perdre une condition parmi les conditions du hadith authentique. Et donc on l'appelle alors ce moment-là munqati'. Donc le munqati' est une sorte de hadith faible. Walil munqati' itlaqan, itlaqun 'am wa itlaqun khas. Donc les savants, ils parlent de munqati' de deux manières, d'une manière générale et d'une manière plus précise. La manière générale wa ma huwa muqabil lil-ittisal. Donc la manière générale, c'est tout ce qui est à l'encontre de la liaison de la chaîne de transmission. Donc toute coupure, ils appellent ça inqita, que ce soit au début, à la fin, qu'il y ait plusieurs personnes, ils appellent ça al-inqita. ويطلقون الانقطاع بمعنى أخص وهو ما سقط منه راو واحد فقط. أو عفوا، المنقطع هو ما سقط من إسناده راو قبل الصحابي. Donc certains ont dit que le munqati', c'est lorsque il y a donc un seul narrateur qui n'est pas cité ou bien qui a disparu de la chaîne de transmission avant le compagnon. قالوا قبل الصحابي يعني حتى يخرجوا المرسل منه. Ils ont dit avant le compagnon afin de ne pas faire entrer dedans المرسل. Donc en fait, المنقطع, certains ont dit, comme on répète, que ça englobe toutes sortes de coupures dans la chaîne de transmission. C'est à l'encontre de المتصل. Et d'autres ont dit dans المنقطع, c'est une sorte bien précise du hadith. Ce n'est ni مرسل, c'est ni معضل. On va voir le معضل, c'est lorsqu'il y a deux narrateurs qui ne sont pas cités à la suite. Également المعلق, qui est au début de la chaîne de transmission. Donc pour bien préciser, ils ont dit المنقطع, donc lorsqu'il y a un seul narrateur qui n'est pas cité avant le compagnon. فقط راوين واحد قد يكون راوين هنا وهناك ولكن على التوالي لا لأنه هو المعضل. على كل حال هذا النوع يعني ليس بمهم كالأنواع التي ستأتي. فقال والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعان. Donc le vers 18, il nous dit « al-mu'dal ». Donc il va nous citer une sorte de hadith faible. Il nous dit « al-mu'dal », c'est lorsqu'il y a deux narrateurs qui ne sont pas cités. Deux narrateurs qui ne sont pas cités. « Wa ma ata mudallasan nou'ani ». Et le hadith « al-mudallas », il y a deux sortes. « Al-mu'dal » يقول والمعضل الساقط منه اثنان. هذا هو المعضل. والمعضل في اللغة العربية هو الشيء الشديد المستغلق يعني الصعب. المعضل dans la langue arabe ça veut dire une chose difficile, une chose dure à solutionner, une chose dure à solutionner, on appelle mordal, on dit daoun udal, une maladie très difficile et très dure à soigner, on appelle ça daoun udal. Et ici, ils ont appelé ça le hadith al-mordal. Limada li'anna al-hadith al-mordal yas'ub 'ala al-insan an yajida as-saqitayn fi al-isnad. Ils ont appelé cela car il est très dur pour la personne. La personne, lorsqu'elle trouve un hadith munqati', qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne se contente pas de dire il est faible et on n'en parle plus. Là, il essaie de chercher justement qui n'est pas cité. C'est ça le but. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, munqati', il est faible. Là, ce n'est pas ça le but. Le but, lorsque tu trouves un hadith munqati', que tu cherches dans les autres livres pour savoir qui est le narrateur qui n'est pas cité. Car le but est de réunir le plus grand nombre de hadiths possible. طيب المعضل لا طيب et comment faire pour trouver la personne qui n'est pas citée. Et au cas toi tu vois très bien que il y a une coupure entre les deux narrateurs, ils se sont même pas rencontrés. Ça se trouve parfois il y a plusieurs le narrateur il est mort avant que le premier naisse. Donc il n'y a aucune rencontre possible. Donc tu sais qu'il y a une coupure. lorsque il y a un seul qui n'est pas cité, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux qui sont cités, on sait qu'ils ne sont pas chers l'un de l'autre. Donc on sait qu'il y a une coupure. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir chez les élèves du premier. إذن يقول والمعضل الساقط من اثنان. إذن تعريف المؤلف إذا سقط من الإسناد اثنان فهو حديث معضل. Donc pour l'auteur, le hadith al-mu'dal, c'est le hadith dans lequel deux narrateurs ne sont pas cités. ولكن من العلماء من اعترض على هذا التعريف لأنه لم يذكر التوالي يعني التتابع. فإذا قلت ما سقط من الإسنان اثنان قد يسقط واحد في موضع وثاني في موضع آخر. ومن يعني مطالب التعريفات أن تكون جامعة مانعة. Donc l'auteur il nous dit lorsque deux narrateurs ne sont pas dans la chaîne de transmission on appelle ça le mu'dal. Certains savants ils ont critiqué cette définition en disant que elle n'est pas claire. Parce que deux, il se peut que ce soit à n'importe quel endroit, il se peut qu'il y en ait un ici et un autre plus loin. Donc ils ont imposé que ce soit d'affilée. Deux narrateurs d'affilée. Et non pas deux narrateurs. Parce que lorsque l'on donne une définition, il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'elle soit claire. Parce que si tu me dis que deux narrateurs ne sont pas cités, je vais te ramener une isnad, il manque un ici et un autre plus loin. Et tu vas me dire non, c'est pas mu'dal. Donc ils ont rajouté ala at-tawali. Ils ont rajouté ala at-tawali. La fi awwal al-isnadi wa la fi akhirih. Donc ils ont rajouté donc deux d'affilée ni au début de la chaîne de transmission ni à la fin. Donc, ils ont dit à la tawali pour ne pas que ce soit à différents endroits de la chaîne de transmission. Ils ont dit également pas au début de la chaîne de transmission pour ne pas confondre avec al-mu'allaq. Donc, on va voir al-mu'allaq, qu'est-ce que c'est. Et à la fin de chaîne de transmission pour ne pas que l'on confonde avec al-mursal. D'accord ? Donc, ils ont dit al-mu'dal ma saqata minhu thnani. على التوالي لا في أول الإسناد ولا في آخره مثلا أو مثال للمعضل مثلا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله له كتاب اسمه المصنف مصنف عبد الرزاق يروي في مصنفه عن معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرزاق أسقط الزهري وأبا سلمة فمعمر لم يلتقي مع أبي هريرة رضي الله عنه هذا مثال أني للمعضل، فليس في أول الإسناد ولا في آخره. هذا هو الحديث المعضل، واضح؟ شكله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.